Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film choc. Dans les années 70, l'Allemagne est la proie d'attentats à la bombe meurtrière. La menace terroriste et la peur de l'ennemi intérieur ébranlent les fondements mêmes d'une démocratie encore fragile. Sous la conduite d'Andreas Bader, Ulrich Meinhof et Gudrun Ensslin, une nouvelle génération radicalisée, entrent violemment en guerre contre ce qu'ils perçoivent comme le nouveau visage du fascisme. Nous devons partager leur destin, et cela dans la mort ou dans la victoire. En RFA aussi, des milliers de personnes manifestent contre la guerre au Vietnam. Nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements au Vietnam. Relâchez-la ! Cette femme est une journaliste ! On va fonder un groupe. On veut changer la situation politique. C'est de la folie ! Il faut qu'on le fasse. Notre rôle est historique. C'est la génération d'Auschwitz ! Ils ont des armes et pas nous ! Alors on doit s'armer ! Le gouvernement nous a confié une mission, combattre le terrorisme dans ce pays. C'est la guerre. J'ai besoin de toutes les forces de police disponibles. Plusieurs dans le groupe pensent qu'il faut détourner un 747 et survoler Bonn en lançant un ultimatum. Quand il n'y aura plus de carburant, il s'écrasera. La bande à Bader, un excellent film de Uli Edel, un DVD métropolitain.